moyens afin de briser tout moyen de s'en sortir au contact de plus de murs, de plus de béton, de plus d'asphalte, de plus de rien. Un frein qui ne doit en être un, que deux balles percutent loin de tout bluff. Le pourri se perd en conjecture, chaque jour il s'emmure, s'attache à sa tunique, le cul collé au mur. Il aimerait peut-être avoir le gun à la ceinture, il aime se prendre la tête et déconnecte quand il n'est plus sûr. Il n'accepte pas le mélange de culture, dur dur, pour lui la vie semble dure. Le seul endroit à son niveau pour assurer son futur, dur dur, pour tous ses collègues de souillure. Derrière les cris, nos frères crient, certains sont pleins de griffures. La chaule est gardée par des êtres impurs, je te jure c'est un lieu où l'on ne porte pas plainte. Débouté, dégoûté, seuls les pénitents trinquent. Elle est terminée, l'époque d'étapement 5. Aujourd'hui j'ai retrouvé des ratés, des braves et des pinces. Difficile de se purifier dans une porcherie. Pourri aurait aimé faire de ma vie une boucherie. Bluff, SS condé, l'art du keuf. Bluff, insécurité, répression, rien. L'ordre du jour, un sacrifice de KFC. Blanc, beurre, black, concerné. Si t'as affaire à eux, le mot d'ordre c'est canard. Si t'as affaire à un bleu, soit en règle c'est bonard. Pas comme à l'époque où nous étions mineurs. Synonyme d'intouchable, le flic nous faisait pas peur. On redoutait plus la sanction des parents. Pire qu'une GAV, pire qu'un arrachage de dents. Recevoir un ordre, tout dépend de la manière. T'es pas mon père, encore moins supérieur. Parce que t'es dépositaire de l'autorité publique. Bien, que t'es derrière toi un syndic. Obéis aux ordres de l'ultime, de l'unique. Premier ordre, vite les délits de faciès. J'suis le fils de quelqu'un, jamais de mort dans mon assiette. Deuxième ordre, horrifié par vos faits, vos nombreux fois de fait. Troisième ordre, sincèrement mon avis est déjà fait. Bluff, SS condé, l'art du keuf. Bluff, insécurité, répression, rien. Bluff, SS condé, l'art du keuf. Bluff, insécurité, répression, rien. Ils engagent des tons et autant de peureux des matons qui se prennent pour des durs, des putains de cutéreux. Une profession ratée de paumé, rien de sérieux. Nous savons de quoi il est question, on a grandi avec eux. Un tas de bounty frères, y'a peu de collaboration. Un bulletin de salaire en guise de torchon. Y'a ceux qui ont les clés et ceux qui cherchent la solution. Puis ceux qui fantasment sur cette population, censée nous éclairer vers la réinsertion. On ne pourra pas avancer sans considération. Les mêmes engagent depuis l'esclavage, y'a rien de neuf. Opposé au gardiennage, opposé à l'air. J'ai vu la commune changer, c'est autour du pays. On teste le canton, puis on applique à la patrie. On teste l'individu pour appliquer à l'ensemble. Ceux qui attendent rien de l'État, jamais ne tremble. Toi, demande-toi en quoi réside ta sécurité. Ce qui assure le maintien, empêche les autres de grimper. Il n'y a pas d'ensemble quand les désirs divergent. Les moyens ne sont pas semblables, jamais nos regards convergent. T'es un Rottweiler, je suis ton maître. Devant moi, baisse l'oreille. Bouge à gauche, à droite, et songe, claroche, je fêle. L'intérieur du pays, on saccage. Guette le naufrage, violent comme des bavures qui alimentent ma rage. T'as capté le message, que tu bluffes. SS, condé, l'art du